بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بالأمس أخذنا بداية هذا الكتاب والأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. On avait pu évoquer Kadalika fi hada dars, yani akhadna sharh ar-risala. On avait pris l'explication du nom de cette risala, al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa ala kulli muslim wa muslima. Et on avait évoqué le hukm de celui qui fait le wajib, le jugement par rapport à celui qui est le wajib. Al-mutahattimat, on a pu voir, c'est à peu près la même chose que al-wajibat, lazimat. Al-ma'rifa, avec certitude, ces certitudes-là donnent naissance à des œuvres, et ces œuvres-là doivent être basées sur une conviction et une sincérité. Iqrar ou le at-tasdiq, yani as-sidq. Ensuite, on avait dit, ala kulli muslim wa muslima. On avait pu voir que, voilà, à partir du moment qu'il est baligh, ces bases-là, il se doit de les connaître. Naham. Et on a dit aussi, kadhalika, ça a impliqué le fait de recommander cela aux enfants, même si jamais ils ne sont pas encore pubères. Ensuite, on était rentré dans usul al-thalath. Alati yajib ala kulli muslim wa muslima. Ma'rifatuha. Ça, c'était à peu près la khulasa de ce qu'on avait pu voir hier. Naham. Lakin, je vais ajouter un petit truc, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par rapport au fait, lorsqu'on avait dit Ma'rifatul Abd, Rabbihi. On a pu voir que connaître Allah Azza wa Jal, c'est de l'adorer. La véritable connaissance, c'est le fait de l'adorer. Comme on a pu l'évoquer dans le hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal, فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فيكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي بعض الروايات أن يوحد الله. La première des choses vers lesquelles tu vas les appeler, c'est التوحيد. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عرفوا الله. Et lorsqu'ils auront connu Allah عز وجل, c'est-à-dire lorsqu'ils auront adoré Allah, lorsqu'ils auront unifié Allah عز وجل, ensuite tu les informes qu'ils doivent prier 5 prières, yani jour et nuit. Et comment on connaît Allah عز وجل? Comme on le connaît, al-ulama dhakaru kama qala al-sheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala fi usul al-thalatha fa qala bi ayatihi. On reconnaît Allah azza wa jal par ses signes. Et les signes, lorsqu'il dit al-aya, c'est quoi? Al-ayat al-shar'iyya ou al-aya al-kawniyya. Al-ayat al-shar'iyya, c'est le wahy. C'est ce qu'Allah azza wa jal, il a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala jalla wa ala, qala bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm. Ce sont des signes évidents qui sont dans les poitrines de ceux à qui on a donné la science. Et ce qui est voulu par les signes ici, c'est quoi? C'est le Coran. C'est le verset d'Allah Azza wa Jal. Dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis au défi les koufars de Quraysh de ramener un verset semblable au Coran, ou bien de ramener une surah semblable au Coran, ou bien de ramener 10 versets semblables au Coran. Donc Allah Azza wa Jal, le fait qu'il les a mis au défi de ramener une chose qui est semblable à son wahy, à sa révélation, ça montre que c'est quoi? C'est un signe, yani un miracle, comme ils disent. Donc c'est une ayah, c'est une preuve évidente que cette parole-là, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fait celui qui lit dans le Coran, c'est-à-dire en recherchant la vérité, pas en recherchant les défauts, il va lui apparaître clairement que cette parole-là, c'est une parole divine. C'est la parole d'Allah, c'est pas la parole d'un humain. C'est pas la parole d'un humain. Donc à travers la lecture du Coran, lorsqu'il va porter réflexion dessus, il va lui apparaître clairement que cette parole-là, c'est la parole d'Allah. Donc yani, par le fait de lire le Coran, il va connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va savoir qui est Allah. Il va savoir les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que lui demande Allah, jalla wa ala, naham. Et kadhalika bil ayat al-kawniyya, comme ils disent les signes universels, yani, il veut bidhalika al-makhlouqat. Lorsque insan, il regarde, yani, في المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى il sait clairement que cet univers là il a pas été créé comme ils disent yani par la théorie du Big Bang ou bien je sais plus quoi Marx et tout ça. Il sait que ça a été créé par Allah سبحانه وتعالى. C'est pour ça Allah dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il a dans les cieux et la terre et dans l'alternance yani du jour et la nuit des signes évidents pour ceux qui sont doués de raison. L'insan, lorsqu'il voit la nuit et le jour, elle s'alterne. Kazalika, le shams, il vient, ensuite il repart, il se relève à une même heure. Yani, tout ça, ça a été, yani, il a une conviction claire que cela, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah, azza wa jal, qu'il a créé Jalla wa Ala. Kazalika fi nafsihi. Wa fil ardi ayatun lil munqini wa fi anfusikum. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude. Wa fi anfusikum. Al-insan kazalika idha tadabbara, il porte réflexion sur sa création. Il sait clairement que sa présence, son existence, elle a été c'est Allah Azza wa Jalla qui en est la cause. Il n'a pas un doute que c'est une autre personne qui l'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Yani, si on revient avec l'enchaînement de la création, il est obligé d'avoir un début. C'est obligé qu'il y ait un début. Qui a ta mère t'a mis au monde? Qui a mis au monde ta mère? La grand-mère? Qui a mis au monde la grand-mère? Yani, il y a un début, sinon ça n'arrête pas. Si on remonte comme ça, et qu'on renie qu'il y a un créateur, c'est-à-dire que la création, elle n'a pas de début. C'est-à-dire que c'est obligé qu'il y ait un début. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, Am khuliqu min ghayri shay'in. Am hum al-khaliqun. Ont-ils été créés à partir du néant? Ou bien sont-ils eux-mêmes les propres créateurs? On ne s'est pas créé nous-mêmes. Chacun peut l'attester. Et kazalika, on n'a pas été créé du néant. C'est pas possible, tu vois. C'est impossible qu'on ait été créé du néant. Et que ce néant-là, il fait que tous les jours le soleil se lève à la même heure, et que la nuit elle vient, et que la pluie elle vient, et ceci, cela. C'est impossible. Hatta, ils évoquent Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Il a eu un débat avec ceux qui appuyaient la théorie de Marx, je crois, le Big Bang et tout ça, tu vois. Il a dit, je vais vous raconter une histoire, et vous allez me dire la véracité de cette histoire-là. Et ce qu'il a dit, que dites-vous d'un bateau dans lequel il n'y a pas un commandant à bord? Et ce bateau-là, tamam, il navigue en pleine mer avec les vagues et tout ce qui s'ensuit, et il arrive à quai. Il arrive à bord. Et ce bateau-là, bien sûr, il y a une marchandise. Il a dit, ce bateau-là, il était dans un quai, il n'y a pas de commandant, et il n'y a pas de personne, de transporteurs et de personnes qui font monter la marchandise. Et la marchandise, elle monte dans le bateau toute seule. Ensuite, ce bateau-là, il prend la mer, sans commandant, avec les mers, avec ceci et cela, les vents, et il arrive à quai. Il arrive à l'autre destination. Et il vide la marchandise de ce bateau-là, tout seul, sans qu'il y ait ni de transporteur, ni de commandant, ni de ceci, ni de cela. Il leur a dit à ces personnes-là, est-ce que c'est possible? Ils ont dit, c'est impossible. Il n'y en a qu'un bateau puisse faire ça tout seul. Ils ont dit, donc comment ça peut être possible? Il n'y en a que l'univers, il a été créé tout seul, il administre, il y en a ces choses-là au quotidien. Donc il a dit, si jamais c'est pas possible qu'un bateau s'administre tout seul, comment on peut dire que la Terre s'est administrée tout seul? C'est pas possible. Ça montre que la théorie de ces personnes-là, c'est une théorie qui est batila. Tout ça, c'est pour que les gens s'écartent de la religion. Kazalika, ceux qui disent qu'on descend du singe. Kazalika, yani c'est menal batila hada. Pourquoi le singe et l'âne ne se développent pas? Kazalika, yani menal, parmi les arguments qui sont clairs et nets avec lesquels on réfute sur eux. Pourquoi les singes ne se développent pas? C'est faux, c'est un kalam qui est batil. C'est un kalam qui est batil. Et ça, c'est parmi les makr de Yahoud. Lakin, subhanallah, yani, ils ont voulu jouer avec cette chose-là de dire qu'on vient du singe, alors que fil haqiqa, si jamais vraiment on devrait dire qu'il y a une espèce humaine qui descend du singe, les Yahoud ils seraient les plus appropriés à être ceux qui descendent du singe. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ont désobéi, il les a transformés en porc et en singe. Yani comme fait le Coran. Lakin comme قال بعض العلماء, certains ont posé la question, ils ont dit, est-ce que les Yahoud ils descendent des porcs et du singe? Parce qu'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont désobéi, les a transformés en porc et en singe. Donc, est-ce qu'il y a une descendance par rapport à cela? Il a dit non, ceux qui ont été transformés en porc et en singe, ensuite, il y a Allah Azza wa Jal, ami ahlakahum. Il les a rendus à néant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de descendance de ces choses-là. Lakin, chez leurs ancêtres, il y a eu des personnes qui ont été transformées en porc et en singe. Donc, c'est eux qui sont les plus à même à dire qu'ils descendent du singe. Je me rappelle une fois, une personne, un frère que je connais très très bien, mashallah, qui avait étudié avec le Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Mokbel, rahimahullah, il a eu un débat avec une personne comme ça qui appuie la théorie de connaissance du singe, tu vois. Al-Muhim, ils ont fait un iqash et l'akhirihi. Bon, à la fin, il a pas été convaincu, l'autre. Et le frère, kazalika, bon, il a pas réussi à le convaincre. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Le frère, il a dit, bon, yani, je vois que ce débat-là, il mène à rien. Donc, au revoir, fils de singe. Tu vois? Il a dit, pourquoi tu m'insultes? Je suis pas un fils de singe. Il dit, mais tu dis pas que tu descends du singe. Nous, on dit, on descend de Adam. Si tu dis que tu descends du singe, donc t'es un fils de singe. Et c'est énervé, tu vois. Si tes ancêtres, c'est des singes, t'es un fils de singe. Bon, bref, c'est pour montrer que ces personnes-là, yani, tout ça, c'est du barté, c'est du tenakot, c'est une contradiction en elle-même. Fait, nous, alhamdoulilah, on a la certitude qu'Allah, Azza wa Jal, يعني بالآية الكونية والآية الشرعية que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur. Donc on le reconnaît, on connaît Allah Azza wa Jal à travers ces signes-là, qui sont le Coran et qui sont les choses qu'Allah Azza wa Jal il a créé sa société. Et en parenthèse, par rapport à Ma'rifatul Abd, Rabbihi, comme il reconnaît, par les signes qui sont, comme il dit, l'ayat al-shar'iyya ou l'ayat al-kawniyya, na'am. Et après, à partir du moment qu'il a la certitude qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui son créateur et c'est lui qui mérite d'être adoré, après il va accepter sa parole, c'est-à-dire qu'il va accepter son wahi. Il n'y aura pas de problème d'accepter la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'aura pas de problème dans les cas d'accepter le messager qui a été envoyé pour lui expliquer la religion. Pourquoi ? Parce qu'il croit en Allah Azza wa Jal et il croit en sa parole. Naham. Ça c'était une petite parenthèse par rapport à Ma'rifatul Abd. Rabbihi, comme il reconnaît, par ces deux signes-là qui évoquent le Cheikh al-Islam al-Najdi rahimahullah, Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah fi al-Usul al-Thalatha. Ça c'est ce que j'avais oublié la dernière fois. Naham. فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى قال أصل الدين وقاعدته أمران les bases de la religion et les règles يعني أصل وقاعدة c'est un peu un synonyme c'est la même chose قال أمران ils sont au nombre de deux choses comme on a évoqué ici القاعدة c'est comme le أصل c'est une fondation c'est une base comme قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت c'est-à-dire les fondations lorsque Ibrahim a élevé les fondations de l'Bayt yani al-Ka'ba al-Qa'ida c'est comme le asl c'est un fondement il a évoqué que al-Din asl al-Din wa qa'idatuhu amran que le Din il est basé sur deux fondements deux énormes fondements qui sont al-Tawhid wa al-Inzaru an al-Shirk l'unicité et de mettre en garde contre le shirk ça c'est la base de la religion parce que toute Ibadah dans l'islam, elle est demandée qu'elle soit basée sur quoi ? Sur Tawhid. Et qu'elle ne soit pas basée sur le shirk. Fala asl fi din, hada huwa. C'est at-Tawhid wal-inzar, ani shirk. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé ses messagers, il les a envoyés bi hadain al-amrin. Il les a envoyés afin d'établir ces deux fondements-là. كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله هذا هو التوحيد واجتنبوا الطاغوت هو اجتنبوا الشرك فالله عز وجل il a envoyé chaque messager afin d'établir ces deux fondements-là qui sont التوحيد والإنذار عن الشرك والآية في ذلك كثيرة جدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا illa iyyahu يعني tu dois adorer donc ça c'est le tawhid illa iyyahu c'est-à-dire sans qu'il y ait de shirk donc c'est le fondement le deuxième fondement wa kadhalika ces deux fondements là sont la base de la religion parce qu'Allah azza wa jalla nous a créé pour établir cela afin qu'on mette en application cela qala jalla wa ala wa ma khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun donc ça nous montre bien que c'est la base de la religion parce qu'Allah azza wa jalla nous a créé que pour cette hikma là qui est de l'adorer et de s'écarter du shirk وحتى السماوات والأرض الله عز وجل قال وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق je ne crée les cieux et les terres que par vérité وقال العلماء la vérité هنا بمعنى العدالة وإقامة الحق يعني d'établir la vérité et la vérité elle est basée sur كلمة التوحيد في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله ça c'est l'أصل du حق وقال سبحانه وتعالى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى. الله عز وجل n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre que pour يعني بالحق et un terme يعني qui est bien précis. C'est-à-dire que l'insan inshallah il devra rendre des comptes يوم القيامة par rapport à le temps qu'Allah عز وجل lui a donné dans cette vie-là. حتى يعبد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني يحاسب. Il va être questionné comme on a pu voir. فهذا سبمون كسيكوا سيدي أصول بفك الله عز وجل نا أنوايي دي مساجي كو بار سو مساج لا إك الله عز وجل نوزا كريي كو بور سيت ريزون لا وكذلك لأن أول ما يؤمر به العبد بوكوا سي سي الأصل الدين التوحيد والإنذار الشرك باسكو لا بروميير دي شوز كون دوموند أ لا بيرسون يعني كي أ كي أفيزي الإسلام أ كي أون دوموند دو رونتر دون الإسلام La première des choses, c'est pas on lui demande de donner zakat, ou bien de faire siyam, ou bien de faire hajj, ou bien de faire salat, ou bien d'être bon envers ses parents, ou bien les al-walid, comment ça s'appelle, les jiran. La première des choses qu'on lui demande, c'est de connaître ses shahadatim, de connaître le tawhid, et de connaître yani, les choses qui annulent le tawhid. وهذا بالإجماع يبقى خلاف يعني entre les ulama كما نقل ذلك الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الشرح في شرح التحاوية فقال رحمه الله قال وإمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة les ulama parmi les salaf sont tous unanimes que la première des choses qu'on demande au abd c'est d'établir shahadatan la ilaha illallah muhammad rasulallah. Donc ça nous montre que c'est quoi, c'est le fondement de la religion, parce que c'est la première des choses à laquelle est confrontée la personne et à laquelle est demandé d'établir. Et kadhalika parmi les choses qui montrent que at-tawhid wal inzar an ash-shirk c'est la base de la religion, c'est que le nabi sallallahu alayhi wasallam yani bu'itha da'watan ila al-alamin 23 سنة. Pendant 23 ans, il a fait la da'wah à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces 23 ans-là, il a passé 10 ans. Makatha wa, yani 10 sinin, comme a dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, fil usul 3, makatha 10 sinin, wa huwa yad'u ila tawhid. Pendant 10 ans. Sans interruption, il lui a été ordonné d'appeler au tawhid. Et d'avertir contre le shirk. Est-ce que Allah Azza wa Jal, entre temps, dans ces 10 ans-là, il a ordonné à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qu'il leur ordonne As-Salah, Wal-Zakah, Wal-Hajj, Wal-Siyam? Aucune de ces choses-là n'a été ordonnée. Excepté le fait qu'ils adorent Allah, Subhanahu wa Ta'ala, pendant 10 ans. Et Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, c'était quelqu'un d'éloquent, Naham. C'est quelqu'un qui était éloquent. Et le peuple vers lequel il a été envoyé, c'était des personnes qui connaissaient parfaitement la langue arabe. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم أي قريش إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي أعبد الله وحده لا شريك له comprenez يستكبرون ils se gonflent d'orgueil ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون allons-nous délaisser l'adoration de nos divinités pour un prophète qui est possédé. Donc ils comprenaient يعني clairement quel était le message de la إله الله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était éloquent et eux, kazalika, ils avaient de l'éloquence dans la langue arabe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de compréhension. Ma'a zalika, il est resté avec eux pendant 10 ans sur cette base-là. Rien d'autre ne lui a été demandé d'ordonner que cette base-là. Ça nous montre vraiment que c'est la base. C'est Asluddin qui m'a dit les ulama. Salah al-Sheikh wa ghayruhum, yani fi sharh al-usul al-thalatha. Yani ils disent que ça nous montre l'importance du tawhid. Parce que le tawhid dans la da'wa de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris. Il y a né exclusivement 10 ans. Ensuite, ça a continué. Lorsqu'il est parti à Medina, kazalika daha ila tawhid. Avant de mourir, daha ila tawhid. Lakin, pendant 10 ans, il a appelé au tawhid exclusivement. Et les 13 dernières années, il y a beaucoup de choses. As-siyam, l'arkan al-arbaha. Ensuite, il y a les muamala, al-talaq, al-zawaj, wal-bay', wal-akhlaq. Il y a énormément de choses dans le din. En dehors de Shahadatayn. Normalement, c'était les choses qui, en dehors de Shahadatayn, devaient prendre beaucoup plus de temps à être appelées sur ces choses-là. Lakin, ça a presque pris le même temps. Toutes ces choses-là, elles ont pris presque la même année, ou plutôt le même temps sur lequel s'est basée la da'wah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur Tawhid. Ça nous montre que c'est vraiment l'important de la religion. C'est l'asl. Ça nous montre vraiment que c'est l'asl. Donc, ça, c'est l'adilla qu'on peut évoquer. Qui montre yani la véracité de cette parole-là de Sheikh lorsqu'il a dit Asluddin wa qa'idatuhu amran, que la base de la religion et les règles de ces religions sont basées sur deux fondements qui sont tawhid et al-inzaru an ash-shirk. Donc ça nous montre vraiment que c'est le fondement. Naham. Ensuite il dit rahimahullah qala al-awwal al-amru bi ibadati llahi wahdahu la sharika lah, le fait d'adorer Allah azza wa jal uniquement sans lui vouer d'associer. Al-ibada qala al-ulama هي كلمة تدل على الخضوع والتذلل. C'est un mot qui a le sens de الخضوع, l'humilité. Et تذلل, ça peut être à peu près la même chose. الخضوع والتذلل, c'est l'humilité. Le fait de se rabaisser. C'est pour ça qu'ils disent, مثلا, يعني, d'un chemin qui a été aplati par les pieds, يعني, par les pas, par le fait qu'ils ont beaucoup marché dessus, ils disent, هذا طريق معبدة. هذه طريق معبدة. C'est un chemin qui est bien aplati. Pourquoi Yanni qui a été bien rabaissé par le fait que les gens ont beaucoup marché dessus. Fait al-ibad al-lughatan, ça a le sens de quoi? Al-khudu' wa tadallul. Al-khudu' wa tadallul. Yanni le fait de se rabaisser, le fait d'avoir de l'humilité. Fait al-ibad hada huwa. Lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore. par humilité. Et on se rabaisse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui nous a créés, c'est celui qui nous a donné les substances, c'est celui qui nous préserve, c'est celui qui nous donne tout et qui va nous donner, si jamais on meurt sur Tawhid, inshallah, tabarak wa ta'ala, yani les plus grandes récompenses, al-jannah wa al-nadar ila wajhi. Donc ça, ça demande, yani, à ce que la personne se rabaisse. Les personnes, lorsqu'ils sont en face de leur patron, ils se rabaissent. L'employé, c'est, il n'est pas au-dessus de patron. Yani, il y a des hiérarchies, yani, entre eux. Famim baba ou là, celui qui t'a créé. Celui qui t'a donné toutes les existences. Lui, il te donne juste un salaire, yani, mensuel. Et pour cela, il se rabaisse. Donc Allah Azza wa Jal, qui lui, yani, c'est lui qui nous donne la subsistance. Lui, c'est qu'un sebab, le patron, qui te donne. Donc, yani, même baba ou là, on se doit de se rabaisser auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit avoir de l'humilité pour lui. Et ça, c'est la base de l'ibada. La base de l'ibada. Ensuite, Shara'an, l'ibada, Ahsan man arrafa l'ibada, c'est le Cheikh l'Islam. Arshamah Allah ta'ala, fi kitabihi al-ubudiyya. Faqalahu arshamah Allah, bi kalimatin mashhura, une définition qui est maintenant, inshallah, bien connue. Il dit, al-ibada, ismun jami'un, li kulli ma yuhibhu Allah, wa yarda min al-aqwali wal-af'al, al-zahira wal-batina. Il dit, Cheikh l'Islam, arshamah Allah, l'ibada, قال اسم جامع c'est un nom qui englobe كل ما يحبه الله ويرضى tout ce que Allah عز وجل aime et agrée من الأقوال والأفعال parmi les paroles et les actes ظاهرة وباطنة qui sont apparents ou bien cachés ça c'est la ibada c'est-à-dire tout ce que Allah عز وجل aime ou bien tout ce que Allah عز وجل ordonne كذلك une chose que Allah سبحانه وتعالى ordonne c'est qu'il aime كما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر Il n'aime pas la méchance, c'est pour ça qu'il ne leur donne pas. Mais Allah Azza wa Jal yarda an yu'bad. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Azza wa Jal il agrée, et ça rentre dedans les ordres et les recommandations. Les ordres yani fermes et les recommandations yani mustahab. Ça c'est yani al-dabit, la norme par laquelle on connaît. Qu'est-ce que al-ibadah ? C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Parmi les paroles et les actes qui sont apparents ou bien qui sont apparents, comme le dhikr, parmi les paroles. Et les actes qui sont apparents comme as-salat, comme le fait de donner zakat, et celles qui sont les aqwal qui sont dissimulées dans le cœur. Al-niyya, مثلاً, al-tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu, min Allah, al-raja, min Allah, le fait d'avoir l'espérance, d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, c'est des paroles qui sont quoi? Qui sont dans les cœurs, naam, qui n'apparaissent pas. Et kadaika, des œuvres qui n'apparaissent pas. Fa-niyya, c'est un qawl, c'est une parole. Lakin, qu'on ne doit pas laisser apparaître. C'est pour ça que certains, yani, ne comprennent pas ça et font apparaître la niya sur le lisan. Ça, c'est faux. La niya, c'est le fil qalb. C'est une parole qui est dans les cœurs. Ou amma, al-amal, celui qui dissimulait, qu'est-ce que tawakkul. Wa kal raja, wa kal khawf, il akhirihi. Fahada huwa. Al-ibada huna, lorsqu'il dit, al-amru bi, ibadatillahi wahdahu, la sharika la, hada huwa tawhid. Tawhid, on peut le définir par cela. Al-ibada wahdahu, la sharika la. كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال العلماء اي الا ليوحدون يعبد بمعنى يوحدون فالعباده celle qui a été faite uniquement pour Allah عز وجل c'est توحيد العباده c'est توحيد نعم فالتوحيد c'est العباده لكن العباده pourquoi il a dit عباده وحده لا شريك له parce que العباده peut être pour Allah peut être pour غير الله اما التوحيد il peut être que pour Allah سبحانه وتعالى Ama al-ibada, c'est pour ça qu'il a dit wahdahu la sharika la, parce que l'ibada peut être pour ghayr Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Fait, ils adorent, ils se soumettent, ils se rabaissent. Il y en a pour des divinités qui ne méritent pas l'adoration. Ils les ont adorées. C'est pour ça que là, il a dit wahdahu la sharika la. Pour sortir l'ibada qui est batila. Zalika bi anna Allaha huwa al-haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ma ya'buduna min dunihi huwa al-batil. Fait, tawhid huwa al-ibada. التوحيد هو العبادة والعبادة ليست هي التوحيد بس كلا عبادة بت بالتوحيد وقد تكون بالشرك c'est pour ça qu'il a dit وحده لا شريك له uniquement pour Allah عز وجل pour exclure les عبادة qui sont vouées en dehors d'Allah سبحانه وتعالى نعم فهو التوحيد والتوحيد بشكل عام la définition de توحيد يعني لغة c'est le fait de unifier une chose يعني جعلت شيء واحدا أي j'ai unifié entre les deux نعم et التوحيد شرعا dans la législation, c'est comme a dit l'ulama, ifradullah ta'ala bimakhtassa bihi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'unifier Allah azza wa jalla dans les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui sont spécifiques à Allah. Les choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, fa tawhid ar-rububiyya, c'est une chose qui est spécifique à Allah azza wa jalla. Yani la création, c'est une chose qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. Donner la subsistance, c'est une chose qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. Donner la vie, donner la mort, c'est une chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'une personne qui met un associé avec Allah Azza wa Jal dans la création, dans la subsistance, dans l'administration, dans le fait de donner la vie ou la mort, ça, il n'a pas établi tawhid. Tawhid Allah, ifradullahi Azza wa Jal, bimakhtassa bihi. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans les choses dans lesquelles il s'est spécifié. Kaza lesquelles Asma al-Husna. Personne en droit d'Allah Azza wa Jal n'a les Asma al-Husna. Celui qui prétend une chose comme cela, il n'a pas établi tawhid. Kaza lesquelles Sifa. Lahu al-Mathalul A'la. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Il a les sifat qui sont les plus parfaites. Les caractéristiques et les attributs qui sont les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. Et dont il est le seul à les avoir. Personne n'a les attributs parfaits. Et kaza lesquelles Ibada. Si on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans la création, dans la seigneurie, et qu'il est unique dans ses attributs et dans ses asma, fa min bab awla qu'il soit unique dans l'adoration. Kama qala subhanahu wa ta'ala, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez celui dont vous unifiez dans la seigneurie. Tamam. Fa hadha huwa at-tawhid, ifradu Allah ta'ala bima ikhtassa bihi subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui sont spécifiques. Qala wa at-tahrid 'ala dhalika. At-tahrid bi ma'na al-hath. Le fait d'exhorter. L'insan, l'aïktafi, anahu ya'bud Allah, subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika la, et il laisse les gens dans le dalal et dans l'égarement. Celui qui ya'bud Allah, ya'azza wa jalla, labudda anahu yuharrid ala dhalika, et anahu ya'amur bi dhalika. Il faut que ce soit un da'il Allah. Fa idha alima wa amila, labudda mina da'wa. À partir du moment qu'il a connu, et ensuite il l'a mis en application, ça ne suffit pas. Il faut que ces choses-là, il l'aime aussi pour ses prochains. C'est pour ça qu'il a dit وَالتَّحْرِدَ عَلَى ذَلَكَ أَيْشَجِّعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. نعم. فَكَيْقَالَ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ وَالْعَصْ إِنَّ الْإِنسَانَ الْفِخُسْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ. هَذَا هُوَ الأمر بالمعروف والنصيحة على ذلك. بمعنى الإنسان لا يكتفي أن يكون صالحا. Ça suffit pas qu'il soit صالح. لكن il faut qu'il soit كذلك مصلح. Il faut qu'il soit داعي إلى الله عز وجل. صالح بنفسه c'est-à-dire qu'il adore. الحمد لله. لكن il faut كذلك que les autres aussi ils adorent. Il faut qu'il soit مصلح. Il faut qu'il soit مصلح. صالحا مصلحا. نعم. لذلك قال هنا والتحريض على ذلك لا يكتفي. Un acte abou d'Allah et tu regardes les gens dans l'égarement et tu dis bon, du fait que moi j'adore Allah, c'est bon, j'ai accompli mon obligation. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا كذلك c'est une obligation à chaque musulman. Celui qui voit un munkar et parmi les plus grands munkar c'est le shirk. Le fait que les gens délaissent le tawhid. Donc s'il voit ce munkar là, il doit le changer, le modifier. Billet, s'il peut, billisan, s'il peut, et s'il peut pas, bon, là, ça montre la dhaf fil iman. C'est-à-dire que, yunkar bil qalb, il voit les gens dans l'égarement, et il renie cela juste par le cœur. Il ne modifie pas cela par les membres et pas par l'islam. Fahada, c'est pas suffisant. Ça montre la dhaf fil iman. Il a un iman, lakin, un iman qui est da'if. Si son iman, il était sahih, hani wa qawi, il aurait aimé pour son prochain ce qu'il aime pour lui. C'est-à-dire qu'il les aurait appelés, à ce qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal mulawatu fihi. Al muwala fihi. Et que, comment ils appellent ça en français, l'alliance. Naam, le fait d'être allié dans cela. Yani même ma'ana al muwala, ça vient de al wala. Ça vient du verbe wala. Waw, lam et alif maqsoura. Wal wala bi ma'ana al qurb. La proximité d'une chose. C'est pour ça que, qala al nabi sallallahu alayhi wa sallam, lizalik al ghulam, qala ya ghulam, qul bi yaminik. وَقُلْ مِمَّا يَلِكَ. قُلْ بِيَمِينِكَ. Mange par la droite. وَقُلْ مِمَّا يَلِكَ. Et mange, yani, tu commences par ce qui est plus proche de toi. نعم. مِمَّا يَلِكَ. Yani, ça vient du verbe voilà. Voilà, tu dis voilà yali. Voilà yali. C'est-à-dire la proximité. Donc, al-muwala, c'est-à-dire d'être proche de ceux qui quoi? De ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette proximité-là, elle appelle à la fraternité. Lorsqu'on dit la proximité, ça veut dire même si jamais il est loin. Comme nous, alhamdoulilah, toi t'es en France, moi je suis à Djibouti. Lakin, on a le mouwala baynana. Qui est quoi? Al-mahabba. Asl al-mouwala, c'est quoi? Al-mahabba. La base de l'mouala, de l'alliance, yani pour Allah Azza wa Jal, c'est de s'aimer. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si jamais on est loin. Le fait qu'on s'aime, c'est comme si on était proche. Parce que celui qui aime son prochain va l'aider, même s'il est loin. C'est comme s'il était proche de lui. Il est au courant de ce qui se passe, il prend des nouvelles de son frère, il le défend, même s'il est loin. C'est-à-dire, c'est comme s'il était proche, collé à lui. C'est pour ça qu'on appelle la mouwala. C'est-à-dire, la distance, elle n'est pas prise en considération. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches, bil mahabba. Ils sont proches par rapport à l'amour qu'ils ont voué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaika Allah azza wa jalla samma hada muwala. La proximité, pourquoi? Parce qu'elle est basée sur l'amour. Yani lillahi azza wa jalla. Ils s'aiment pour Allah. Donc yani être yani al muwala bayna al muslim, c'est le fait de s'aimer. C'est obligé. Lakin on s'aime pourquoi? Pour Allah. On s'aime pas pour les choses qui sont mondaines, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est fort, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien. Là, batil. On s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'aime pour Allah azza wa jalla. Ça, c'est la base de l'amour. Fillah azza wa jalla, comme قال العلماء الحب في الله. Et on s'aime pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que celui-là, il obéit à Allah. Parce que cette personne-là, il est muwahhid, comme moi je suis muwahhid. Et Allah azza wa jalla, il aime le tawhid. Donc je dois l'aimer. Cette personne-là, il fait la salat comme moi. Et Allah azza wa jalla amara bi as-salat. Donc je dois l'aimer parce que il fait ce qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné. Il fait ce qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné, il est conforme à l'ordre d'Allah azza wa jalla. Donc je dois l'aimer dans cette cause-là. Toute personne qui est conforme aux ordres d'Allah Azza wa Jal, on doit l'aimer fillah Azza wa Jal. Parce qu'il est en train d'adorer Allah Azza wa Jal et on doit aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Comme dans le hadith, hadith Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Yani, si jamais trois choses sont regroupées dans une personne, il va trouver la douceur et la saveur de la foi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient les plus aimés auprès de lui. Ni les pères, ni les mères, ni les ilakhirihi, ni l'argent, ni rien du tout ne doit être précédé à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa an yakuna al-'abd la yuhibbu illa lillah. Et lorsqu'il aime, il aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il aime dans l'obéissance d'Allah. Il aime les obéissants parce que Allah Azza wa Jal aime l'obéissance. Donc il doit l'aimer. Et déteste parce que celui-là, il fait de la yani huwa ala ma'asi, il est dans la désobéissance. On doit le détester parce qu'Allah Azza wa Jal déteste la désobéissance. Fa hadha huwa al-muwala, c'est la muwafaqa de ma yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda. Naham. Qala wa takfiru man tarakahu, ay man taraka al-amr bil ibada. Man taraka dhalika, ay celui qui délaisse al-ibada après al-iqamat al-hujja, c'est-à-dire après qu'on lui a montrer qu'il est dans le shirk ou bien qu'il est dans le nifaq ou bien dans la chose qui va annuler son islam. Si jamais il continue sur cela, il s'entête, après cela on doit le juger. Comme ça suffit pas, il y en a de dire oui, on déteste la mécréance. La qui on doit juger ces personnes-là. On doit les juger aussi, kaza les cas. Certains disent ouais, mais on n'est pas des juges. Naam, on est des juges. On juge parce qu'Allah Azza wa Jal, il a jugé. Au fait, on n'est pas des juges, la qui on transmet le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui yani, sans tête dans l'égarement, on le juge comme étant un kafir. C'est pas nous qui jugeons, lakin c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Et nous, on doit juger de ce qu'Allah azza wa jal, il a jugé. Naham. Et ça, c'est le ulama, là, yani, qui juge de cela. Excepté parmi les choses, yani, qui sont wadihah, celui qui, yani, barakoufik, yani, qui insulte Allah azza wa jal. Que tu viens, tu lui dis, comment tu peux insulter celui que tu dois adorer? Et il comprend pas, et il continue, il ne veut pas s'arrêter. Celui-là, tu n'as pas besoin d'appeler un shir, tu vois. Celui-là, halas, inshallah, ba'd al-bayan, yani al-kathir, on peut nous-mêmes juger par lui, par nous-mêmes, que celui-là, c'est un kafir. Pourquoi? Parce que là, il a yani khalafa shay'an wadihan. Il a contredit une chose qui est wadih jiddan, dans laquelle il n'y a pas besoin de s'étaler dessus. Personne n'insulte Allah. Personne ne peut insulter celui qu'il aime. C'est impossible. Il y a des choses dans lesquelles on doit revenir au ulama, et ça, c'est kathir min al-ashya, et les choses qui sont wadihun jiddan, dans lesquels on se suffit, inshallah, de al-bayan wa iqamat al-hujja. Naham. Qala wa thani, qala wa al-inzaru an al-shirk fi ibadati Allah azza wa jal. Le fait de mettre en garde contre le shirk, qui est le dit de tawhid. Naham. Wa shirku, yani shar'an, qala al-ulama, huwa taswiyatu ghayri Allah billah. Naham. Le fait de mettre en égal Allah azza wa jal fi makhtassa bihi al-ilah. Taswiyatu ghayri Allah billahi fi makhtassa bihi al-ilah. C'est le fait de mettre un autre égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui sont propres à Allah. Cheikh l'Islam, il évoque, قال من عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك. Celui qui met un égal à Allah azza wa jal dans les choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est un mushrik. كما في مجموع الفتاوى. يعني le volume 13 page 19 وقال ابن قيم رحمه الله تعالى que الشرك يكون في ثلاثة أشياء قال أن يجعل لله عز وجل عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد كما في إعلام الموقعين صفحة 413 donc il dit الشيخ ابن قيم رحمه الله تعالى الشرك كذلك se trouve dans quoi dans l'alphaz dans les paroles comme celui qui a dit ما شاء الله وشاء محمد ça c'est du shirk en effet dans les termes والقصد le fait qu'il adore un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala إذا عبد عبد غير الله يعني قصد غير الله في العبادة أو الاعتقاد يعتقد أن غير الله له الأسماء الحسنى وأن غير الله عز وجل له الربوبية إلا la conviction qu'Allah un autre qu'Allah créé les cieux إلى آخره فكل هذا سخن الشرك فالشرك قد يكون باللفظ أو قد يكون بالقصد أو قد يكون بالاعتقاد ça peut être يعني sur la langue dans les cœurs et dans les convictions نعم فهذا هو الشرك بالله نعم تسوية غير الله بالله فيما اختص به الإله نعم فهذا هو الشرك والمراد هنا ce qu'il veut par le shirk c'est tout le shirk qui est asghar wa akbar الشرك الأصغر والشرك الأكبر on doit يعني le modifier on doit l'interdire aux gens قال والتغليظ في ذلك et être dur dans nos interdictions être dur dans nos interdictions c'est-à-dire parce que الشرك كما قال سبحانه وتعالى ظلم عظيم c'est une grande injustice c'est un grand ظلم C'est le plus يعني أقبح الذنوب و أظلم الذنوب C'est le pire des péchés النبي صلى الله عليه وسلم lorsque cette personne a dit ما شاء الله وشئت il s'est énervé قال أجعلت لله ندا m'as-tu placé comme égo avec Allah subhanahu wa ta'ala قل ما شاء الله ثم شاء محمد النبي صلى الله عليه وسلم il s'est énervé lorsque cette personne là sans le vouloir et sans l'intentionner l'a mis en égal avec Allah subhanahu wa ta'ala fil mashiyah dans la volonté. Fa Nabi sallam yani ghalladha fi shaddada fi lakin hada ala hasab. Il y a des gens qui ignorent. Là on est dans un zaman dont les gens yani on est revenu à awal al-amr. Awal al-amr comme si presque il y avait pas de da'wa yani les gens la ilaha illallah et tu vois yasbah li ghayrillah ou yani ya'budu ghayrallah yani wa yasubbu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa on est dans une ignorance yani on est dans une grande ignorance. On est dans un zéman où il y a une grande ignorance qui plane sur les gens. Comme a dit le Cheikh Ibn Baz, on est dans un zéman qui demande un rifq, de la tendresse. Ça demande la tendresse. C'est-à-dire que la dureté, il faut la savoir la placer au bon moment. Il faut la savoir la placer au bon moment. Mais sinon, il faut utiliser, comment s'appelle, un rifq. Surtout si jamais c'est la première fois. La première fois que tu conseilles cette personne-là, utilise le rifq. Après, si jamais il y a des polémiques, là tu peux commencer à hausser le ton et être un peu plus dur par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que c'est une grande injustice. C'est une grande injustice, c'est le fait que quoi ? Yani, il est en train d'associer à Allah Azzawajal. Yani, le Coran, c'est comme s'il le prenait et le jetait. Le Coran, c'est tawhid. Donc le fait d'unifier un autre qu'Allah, adorer un autre qu'Allah Azzawajal, c'est le fait de jeter le kitab Allah. Et c'est grave. Naam. Qala wal mu'ada tufi. Al mu'ada, c'est dedd al mu'ala, c'est-à-dire de détester. Al mu'ala, c'est aimer. Al mu'ada, c'est détester, c'est la base. C'est détester d'abord de l'hostilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour des intérêts, personnels. Al-muwala safilillah. Il y en a qui aiment par intérêt et qui détestent par intérêt. Comme on voit avec les hizbiyoun. Le hizbi, il t'aime si jamais tu es avec lui. Si jamais tu partages ses intérêts et ses avantages. Il te déteste lorsque tu ne partages pas avec lui ses intérêts ou bien tu es avec une personne qui déteste. Donc c'est pas fait pour Allah. C'est fait pour lui, yani. Il déteste yani, pour sa cause et il aime pour sa cause. Ça, c'est batil. Ce qu'on appelle al-wala wal-bara ad-dayyiq. Celui qui est restreint. Il a restreint l'alliance et le désaveu pour sa personne. Al-muwala wal-mu'ada, c'est lillah. Ce qu'Allah il aime, on aime. Ce qu'il déteste, on déteste. C'est ça. Et on met des étiquettes par rapport à cela. Pour ceux qui s'entêtent dans ces obéissances-là. Dans ces désobéissances. Fasiq, kafir, munafiq, mushrik, fajir, ila akhiri. Après qu'il a s'entêté. فالمعادة pareil c'est quoi c'est le bourd la base de المعادة c'est le bourd le fait de détester le fait de ne pas aimer une chose قال وتكفير من فعله يعني on doit juger de la mécréance de ceux qui font quoi le shirk بالله عز وجل من أشرك بالله عز وجل بعد البيان on lui explique فبعد ذلك نحكم عليه أنه مشرك نحكم على ذلك الشخص أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى أو كافر بالله عز وجل أو منافق إلى آخره فإذا Là, Al-An, dans ces qawaid-là, dans ce asl-là, dans ce paragraphe-là, il nous a évoqué quelle était la base de la religion, quel est le tawhid et quel est le fait de s'écarter du shirk. Naam. Il y en a par rapport au fait que nous, on doit. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est taftarqu ummati ila 73 farqa. Tamam. Et ces farqa-là, comment on les reconnaît? Si jamais Al-An, on ne se met pas d'étiquette. Comment on va reconnaître ces faraqs-là qui sont égarés? C'est pour ça que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit fil akhir, il dit c'est pour ça qu'on s'appelait Ahl al-Sunnati wal Jama'a, pour se départager. Tamam. De ces personnes-là. Al-An, le fait de mettre une étiquette sur une personne, c'est une conclusion du jugement de cette personne-là. C'est-à-dire, au lieu de dire que, مثلاً, celui-là, أشرك بالله كذا وكذا يعني في الروبية وكذا وكذا تأتي وتقول هذا مشرك مختصر مفيد. يعني la personne que tu dis, celui-là, il est fasiq. Au lieu de ramener tout ce qu'il a fait, ceci, cela, tu viens, tu donnes un مختصر مفيد. هذا فاسق. كذلك lorsqu'on vient, on dit هذا من الخوارج. Au lieu de dire, c'est les personnes yani, qui me rendent mécrant par les kabira, qui tuent les musulmans, qui ceci et cela, yani, tu évoques la aqida de ces personnes-là. Tu viens avec un muhtasar mufid et tu dis, celui-là c'est quoi? C'est un khawarij. Fait, ces étiquettes-là, comme il a évoqué Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dans une cassette dans laquelle il évoque la salafia, tu vois. Il dit, le fait de dire salafi, مثلاً, c'est une kalamat qui est muhtasara. C'est pas obligé. Lakin al-an, au lieu de dire que dans l'iman, j'ai cette conviction-là, dans Ar-Ru'ya, le fait de voir Allah Azzawajal, j'ai cette conviction-là. Dans Kalamullah Azzawajal, qui ne makhlouk pas, j'ai telle et telle parole. Il dit, au lieu de ramener toute la haqida de Ahl al-Sunnah, tu viens avec cette étiquette-là, qui s'appelle quoi? Salafiyya. C'est un muhtasar mufid. Tamam. Wallah subhanahu wa ta'ala, qad hakama fi kitabihi. Ala unas, yani que c'est des fasiqs, que c'est des kafirs. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna allazina yakfuruna billahi wa rasulihi. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc Allah عز وجل il a jugé par ces personnes là. Donc nous كذلك on doit juger. Celui qui fait ceci, cela, cela, بعد العناد, on doit juger comme Allah il a jugé. أولئك هم الكافرون حقا. C'est-à-dire on fait que transmettre, tu vois. Pareil, يعني beaucoup d'ayats par rapport à ça. Énormément. Moi j'ai tapé sur le kufr, lakin il y en a beaucoup par rapport à ça. Après, يعني que la personne ne te suit pas toi parce que peut-être yani, il n'est pas convaincu par ta parole. Ça c'est une autre chose. La kinel an, comme on a dit, généralement, ces choses-là, c'est qui yahkum bidalika? C'est l'ulama. Ou l'ulama, lorsqu'ils évoquent un jugement sur une personne, il est évoqué avec quoi? Adil. Donc il va dire celui qui a fait ça, kada kada, yani, ça, ceci s'appelle du fisc. Ce que tu viens de faire. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal a dit dans le kitab, ou le prophète sallam, yani a clairement montré que cela, ça s'appelle du fisc. Donc celui qui fait le fisc, c'est un fasiq. Celui qui commet une hizbiya, ils vont dire celui-là, fulan hizbi. Pourquoi? Parce qu'il a fait ceci, ceci et cela. Des règles, yani, il a fait des choses qui sont au contraire des règles et qui font que ça devient cette personne-là un hizbi. Bi adillah. Donc celui qui commet la hizbiya, c'est un hizbi. C'est tout simple, c'est une khulasa d'un jugement. C'est une conclusion d'un jugement. Wayak, naam. Naam, at-taghlidu fi dhalika al-muhadafi, at-takfiru man fa'ala dhalika. On doit juger, yani, de la mécréance, de ce qu'Allah Azzawajal a jugé mécréant. Pour revenir à ce qu'on vient de dire, tu vois. On juge du nifaq que la personne est munafiq de ceux dont Allah Azzawajal a jugé qu'il était munafiq. Et pareil pour le fisq. On juge de lui que c'est un fasiq. Parce que c'est un fasiq, il a khiri, parce qu'Allah Azzawajal a jugé de cela dans son kitab. Donc en fait, nous, on ne fait que transmettre. On fait que transmettre le jugement d'Allah Azzawajal. Il y a les ahkam et kadalika, il y a le tasmiya. On juge, et kadalika, on doit mettre une tasmiya à ces choses-là, parce qu'Allah Azzawajal, il a mis une tasmiya à ces choses-là. Allah Azzawajal, il a évoqué al-fisq, il a évoqué al-fujur, il a évoqué le kufr, il a évoqué le nifaq, ou il a évoqué al-shirk. والمعاصي إلى آخره. نعم إن شاء الله تبارك وتعالى. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Hein? Donc ça c'est bien le khulasa. Donc il nous a évoqué la base de la religion qui est quoi? At-tawhid. Et son inverse. Et cette base là, elle demande à ce qu'on appelle. On exhorte les gens à appliquer at-tawhid et à s'écarter du shirk. Et cette base là, kadhalika, elle demande à ce qu'on aime ceux qui se sont conformés à cet ordre là. Et de détester ceux qui ne se sont pas conformés à cet ordre-là, et de juger qu'il est mouahid si jamais il s'est conformé, et de juger qu'il est mouchrik si jamais il ne s'est pas conformé. Comme on a dit, ça c'est les ulama qui jugent de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ. Ces choses-là, on doit les remettre. On doit remettre ces sujets-là entre les mains des ulama. Lakin, comme on a dit, il y a des choses dans lesquelles on n'a pas besoin de revenir. Il y en a quelqu'un qui est zani, celui qui fait zina. Est-ce qu'on a besoin d'appeler un chir pour dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un zani ou pas? Celui qui a fait zina, c'est un zani. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas besoin de rappeler. On n'a pas besoin de revenir aux ulama parce que c'est wadih. Lakin, des choses dans lesquelles certaines adillah peuvent nous échapper, ou des fois il faut peut-être patienter un peu plus, ça revient aux ulama, ceux qui ont la hikmah. Allah Azzawajal lui a montré que les ulama, c'est ceux qui yaqilun, ils ont la hikmah. Ils savent à quel moment poser le jugement. Fait les cas, on doit revenir aux ulama. On doit revenir aux ulama et c'est eux qui jugent. Ça c'est bil khalasa yani de Asluddin Muqawaidu. Inch'Allah, yani au prochain dars. Si on va prendre Shurut La ilaha illallah. Ce kitab là, il est muhim jiddan. Ça faisait longtemps que j'avais pas révisé, lakin subhanallah, yani il est muhim jiddan. Parce qu'en fait, ça te donne une khulasa de tout ce qu'il a pu dire Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, mashallah. Fa inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va se contenter de cela. Et demain, inch'Allah, on poursuit. Subhanallah.